pas crié aha. T'inquiète, j'ai j'ai tout planqué dans la cave. Je vais revenir, je vais pas pleurer comme un cave. Y'a trop d'ongles de vie de faire la vérité, combien ça. Avec Nap, c'est qualifié, y'a de la vodka sous la table. On n'est pas décrassé, on va pas te voler ton portable. Seul comme un vaillant dans la zone, j'ai le calibre à la zone. La cousine, elle fait la conne, elle a raté la livraison. Ça rafale sec, sec, ici ça sent la rara. Elle était pas tranquille, pas son bébé en débarras. Je crois que c'est les civils enchaînés, un gros démarrage. La vie ça va vite, on le voit pas, on prend de l'âge. T'es parti à la gratte et t'as fini à la rate. Elle fait trop sa fraîche, en vrai elle pue de la chatte. On voit de la vodka fraîche, des gars qui viennent à la part. On s'en bat les couilles, ce soir c'est soirée rabat. La cousine elle a louché sur la bouteille de Belvée. Il s'est fait cartoucher, l'autre il s'est fait lever. La vie c'est un cauchemar et ouais le coup tu rêvais. Tout le monde a le machin en dessous, la ceinture élevée. La cousine elle a louché sur la bouteille de Belvée. Il s'est fait cartoucher, l'autre s'est fait soulever. La vie c'est un cauchemar et ouais le coup tu rêvais. Tout le monde a le machin en dessous, la ceinture élevée. J'écoute pas du 15 pour mon père. Je le tue en 15 bars. Les 8 appelés 5 tours. Le coffre est chargé d'espoir. Je veux que j'explique mon symptôme. Pilon, musique, rahba. J'aime pas quand les symptômes. Je m'égare chacal, je reste pas. Je la tape dans le jacuzzi. Je m'en tape que c'est ta cousine. La secret, c'est ma musique. La cime, la frappe, tu cuisines. Allo, allo, la cousse, faut que tu me fasses la location. Faut que je parte à la grande, car on n'a plus d'allocation. Y'a ce qu'il faut dans l'appart. J'ai leur nappe sans location. La mise veut pas, elle est pas rabat. Au cerzier, vocation, bref. L'hôtel je la bombais, une fois la bouteille tombée. Eric elle pompait, à croire que c'est du tombé. Pourquoi le torse tu bombais, j'ai le cousin sous la LV. La frappe dans le pochon bleu, là je m'adapte. On n'a pas peur de même rabattre, je pose en deux deux. Si je la casse, je prends en le. Le cousin n'a pas peur, alors te plaît, casse pas les couilles. On reste au tuyau, mais t'as peur d'une histoire de compter les douilles. La cousine a louché sur la bouteille de Belvée. Il s'est fait cartoucher, l'autre il s'est fait lever. C'est un cauchemar et ouais le coup tu rêvais. Tout le monde a le machin en dessous, la ceinture élevée. La cou-